C'est un rendez-vous ce mercredi 11 novembre au Grand Théâtre de Québec. Détails sur osq.org. Hydro-Québec, partenaire de saison. Émission activée. Micro ouvert. Bienvenue. Émission Le Grain de Sable. Attention, attention, il y a un grain de sable dans la machine. Et passe les âges, le temps teste tes vertus. Petit renard, il te faudra bien du courage pour pas finir perdu. L'espace et l'orage, derrière le soleil brille, as-tu vu? Si je te disais, tout peut changer, me croirais-tu? Bienvenue à tous et à toutes et bienvenue donc au Grain de Sable, votre magazine socio-économique dans lequel on parle de ce qui se passe ici et d'ailleurs. Une émission réalisée par le collectif radio de l'Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Donc, Attaque Québec est en pleine Assemblée générale annuelle à Québec et Dominique Bernier, notre chroniqueuse qui actuellement est avec nous en studio, est au bout du fil. Dominique, est-ce que tu nous entends bien? Oui. Oui, bon, merci. Oui, on t'a entendu un petit peu jouer avec le téléphone, donc je suis bien content que tu sois vraiment avec nous parce qu'on a plusieurs sujets aujourd'hui, dont l'extractivisme. On aura même l'auteur... du livre, ou en fait du collectif d'un livre très, très, très apprécié par tous. D'ailleurs, il y avait une activité organisée par des étudiants en anthropologie de l'Université Laval, Osons l'avenir, sur le thème de l'extractivisme. Et donc, il y avait David Murray, qui est responsable de cette publication « Creuser jusqu'où ». On en parlera en deuxième demi-heure d'émission. Et on aura aussi Yves-Marie Abraham, qui est, on pourrait dire, le co-auteur avec David Murray de cette œuvre collective sur l'extractivisme, qui commentera aussi cet ouvrage qui réunit une quinzaine d'auteurs. Mais d'abord, j'aurais tellement aimé être un petit oiseau puis entendre tout ce qui s'est dit ce matin à l'Assemblée générale annuelle d'Attaque Québec. Oui, c'était vraiment une assemblée très, très intéressante, comme à l'habitude. On a pu se rendre compte qu'à Attaque Québec, on fait énormément d'activités durant une année. Là, le rapport d'activité est très, très chargé, très, très complet. Et on a pu définir, en fait, nos différentes orientations pour l'année à venir. Donc, ça se décline en plusieurs éléments, mais entre autres, on va poursuivre bien sûr notre action dans les champs d'action qu'on couvre habituellement, tout en y intégrant davantage la question climatique et environnementale. C'est une décision qui a été prise par l'Assemblée. Et en fait, on va faire bien sûr des liens entre la crise climatique et nos principaux sujets qui sont la justice fiscale, les paradis fiscaux, la taxe sur les transactions financières et le libre-échange. Donc, on était très heureux de cette décision prise par l'Assemblée d'intégrer la question climatique et environnementale à nos champs d'action. Ensuite, bien sûr, notre priorité cette année, c'est pas une surprise, ça va être le Forum social mondial qui va avoir lieu à Montréal en 2016. Donc, vraiment, Attaque a toujours été des forums sociaux mondiaux. On fait partie des fondateurs de cette mouvance. Donc, bien sûr, on va être très impliqués, étant donné qu'il se passe à Montréal cette année. On va proposer des grandes conférences, on va proposer des ateliers sur les champs d'action que l'on couvre. Il y aura des activités à Québec dans la capitale nationale? Oui, bien sûr. On prévoit des activités dans la capitale nationale aussi, là, parmi nos activités de l'année, possiblement des conférences et des formations. Vous allez en entendre parler plus tard en saison. Est-ce qu'on va entendre parler aussi du guide de l'Anthropocène? Bien sûr. Écoutez, on avait aujourd'hui en vidéoconférence, Maxime Combe d'Attaque France, qui est l'auteur du petit guide de l'Anthropocène qui s'appelle « Changeons le système, pas le climat ». Donc, Maxime nous a fait un topo de la mobilisation en vue de la mobilisation des mouvements sociaux en vue de COP21, cette conférence de l'ONU sur le climat qui va avoir lieu à Paris à compter du 29 novembre. Donc, en fait, il nous a expliqué que le but, ce n'est pas tant de faire pression sur les décideurs parce qu'on sait d'avance que très peu d'éléments vont sortir de ça, que dans le fond, ça ne remettra pas en cause notre modèle économique, notre modèle basé sur l'extraction des ressources fossiles. Donc, on s'attend pas à grand-chose et on veut plutôt profiter de la tribune de COP21 pour faire valoir le fait qu'il y a des alternatives qui existent et qu'elles sont déjà mises en place par des mouvements sociaux. Donc, c'est plus une façon de mettre de l'avant ce qui existe déjà et d'opposer une fin de non-recevoir à la façon de négocier des gouvernements qui, on le sait, est beaucoup trop timide et on s'attend malheureusement pas à, à un grand progrès. Donc, ça repose entre les mains de la société. Donc, Attaque France n'attend pas de gros changements là au lendemain du 12 décembre. Non, et la plupart des organisations, des ONG non plus. Là, rares sont ceux qui ont des attentes importantes en ce qui concerne les négociations de la part des gouvernements, mais on souhaite vraiment plus insister sur l'impératif de changer de façon de faire, de changer nos façons de développer l'économie qui entre en contradiction à l'heure actuelle avec le climat, avec le maintien d'un climat viable. Donc, c'est là-dessus qu'on va miser beaucoup et on pense que la mobilisation va être très forte cette année et c'est quelque chose dont on est très content. Oui, je sais aussi du côté des Amis de la Terre de Québec. Moi, à titre de président, j'essaie de confirmer mon billet d'avion pour être sur place, mais les Amis de la Terre internationales ont aussi des demandes comme celle d'Attaque France, et je suis pas sûr du résultat qu'on réussira à influencer les 194 États supposément présents. Il y a 80 chefs d'État qui ont déjà confirmé leur présence, mais quand même, ce sera un lieu de discussion intéressant pour les objectifs d'Attaque France. Et juste avant d'aborder un autre sujet, j'ai reçu un ouvrage très intéressant, Anthropocène, seuil crime climatique, stop l'appel de la société civile, où il y a Geneviève Azam d'Attaque France qui collabore, ainsi que Maxime Combes. Il y a un texte de lui dans cet ouvrage-là qui devrait être lancé prochainement au Salon du Livre à Montréal. Creuser pour survivre, la loi d'airain du capitalisme, Maxime Combes. Et c'est une sorte d'encadré sur les gaz de schiste, ni ici ni ailleurs, des exemples de l'Inde qui asphyxie les ONG opposées au charbon, etc. Des choses, des exemples qui se passent sur le corail en Australie. Très, très intéressant. Mais Dominique, j'aimerais que tu écoutes un extrait d'une minute, une question qu'on peut retrouver sur le site reporter.net avec qui on a une entente de pouvoir diffuser certaines de leurs chroniques. Une minute, une question. Et on entend, puisqu'on n'a pas eu la chance d'être sur place et d'entendre Maxime Combes, ben, je te demanderais de commenter ce qui nous parle ici alors qu'il était en 2009 animateur d'urgence climatique, justice sociale et effectivement on le présentait comme membre d'Attaque France. Maxime Combes, pourquoi le mouvement Urgence climatique, justice sociale? C'est un mouvement qui regroupe des associations, des syndicats et en soutien avec des partis politiques parce qu'ils considèrent, nous considérons que on ne peut pas résoudre les enjeux climatiques en conservant le système économique qui est actuel, qui est à la source des problèmes économiques, sociaux et climatiques et environnementaux que nous connaissons. Donc nous travaillons à la construction de propositions et d'alternatives concrètes qui soient à la fois des réponses réelles aux enjeux climatiques, mais préservant la justice sociale ou renforçant la justice sociale, justice entre pays du Nord et pays du Sud, et justice au sein même de chacun de nos pays. Les populations les plus pauvres ne doivent pas être celles qui vont payer les transitions économiques et énergétiques auxquelles nous sommes de toute façon confrontés. Maxime Combes sur Reporter le 6 février 2010. Alors, qu'as-tu à dire sur ça, Dominique? Ben oui, effectivement, c'est clair que les pays occidentaux, les pays plus industrialisés ont un rôle majeur dans le dérèglement climatique et doivent en assumer la plus grande part. Surtout si on tient compte du fait qu'en fait, une bonne partie de la hausse des émissions de gaz à effet de serre dans plusieurs pays du Sud, pays émergents, est due à la délocalisation des activités de production des pays du Nord vers le Sud. Donc, à ce moment-là, notre responsabilité, elle est toujours là, bien que, comme Maxime Combes l'a fait remarquer aujourd'hui, ces pays-là aussi, même si on ne tient pas compte de leurs exportations, ont quand même passablement augmenté leurs émissions de gaz à effet de serre, elles aussi, notamment la Chine. Donc, à ce moment-là, elles ont leur rôle à jouer aussi là pour la lutte contre le dérèglement climatique. Là, c'est quelque chose de très important pour les pays du Sud aussi. Il faut tenir compte du fait qu'en fait les pays les plus pauvres, par contre, bien sûr, vont être malheureusement les plus touchés par le dérèglement climatique. Donc, on peut tenir en compte cet aspect-là et s'assurer de financer adéquatement les mesures d'adaptation, mais aussi les mesures de transition énergétique pour faire en sorte de les protéger contre tout ça. Et c'est un peu ce qu'aborde le petit guide Changeons le système, pas le climat. C'est un petit guide qu'on a produit à ATTAC, qui est basé sur un texte de Maxime Combes, mais qui a été adapté pour le Québec. Et en fait, si les gens veulent s'en procurer, on le vend au coût de 1$. Vous pouvez placer vos commandes. C'est un guide qui se glisse facilement si vous avez des instances, si vous travaillez pour un organisme ou quoi que ce soit, ou pour un syndicat, c'est un guide qui peut se glisser facilement dans les pochettes de gens qui assistent à un congrès ou quoi que ce soit, et qui permet aux gens de bien comprendre les liens entre la crise climatique et la crise économique. Donc, on invite tout le monde à s'en procurer une copie. Et en ce qui a trait à l'extractivisme, je sais, Dominique Bernier, vous travaillez beaucoup ces temps-ci sur les mines, en fait. Je peux vous dire que c'était intéressant pour ceux qui étaient à la conférence au Musée de la civilisation regroupant Alain Deneau et David Murray. Alain Deneau, titulaire d'un doctorat de philosophie de l'Université Paris 8 et enseigne la pensée critique au département des sciences politiques de l'Université de Montréal. Toujours très argumenté. Certains connaissent son ouvrage « Paradis sous terre », comment le Canada est devenu la plaque tournante de l'industrie minière mondiale. Effectivement, peu de personnes savent, et ça je le dis malheureusement, le Canada est réputé à travers le monde pour accueillir jusqu'à 3/4 de toutes les compagnies minières, le siège social de plus de 3/4 des compagnies minières dans le monde. Donc, pour des gens d'affaires partout sur la planète, le Canada est vu comme un paradis fiscal parce que notre système législatif est orienté pour les aider. Ça date de notre ère colonialiste du temps où on a créé le Canada. C'était pour satisfaire justement ces grands oligarques de l'Empire ayant comme capitale Londres. Mm-hmm. Et nous, on hérite de tout ça, mais qu'est-ce qu'il faut dire sur l'extractivisme? Ben en fait, t'as raison, Jean. Le Québec, le Canada est une législation de complaisance pour l'industrie minière. Tout à fait. Et cette industrie en profite allègrement. Récemment, on apprenait que depuis 2009, il y a environ 54 milliards de dollars de valeur de minéraux qui ont été extraits du sous-sol du Québec. Et pourtant, il y a seulement 2% de cette valeur-là qui est revenue en redevance auprès de notre gouvernement. Donc, oui, grosso modo, c'est 300 millions que ça a rapporté, là, plus de toutes ces extractions qu'on a pu faire de notre sous-sol. Exactement. En fait, ce montant-là ne tient même pas compte de toutes les exemptions fiscales dont ces compagnies-là peuvent bénéficier, et ne tient pas compte non plus des échappatoires fiscaux, par exemple, qu'elles peuvent utiliser en faisant transiter leurs profits par des paradis fiscaux, ni des subventions offertes par les gouvernements. Et à cet effet-là, nous, à la coalition, on demande une commission d'enquête sur l'industrie minière au Québec parce qu'on trouve inacceptable qu'en 2015, le gouvernement investisse de l'argent public dans des canards boiteux, dans des projets qui financièrement ne tiennent pas la route. Le gouvernement investit le bas de laine des Québécois là, dans des projets vraiment faibles sur le plan économique, notamment Mines-Arnault, dont on sait ça a été mis sur la glace, ce projet-là. Il y a quand même 30 millions d'argent public qui ont été investis à date pour un projet qui ne démarrera pas de sitôt. Le Québec a investi aussi de l'argent dans Québec Lithium, une minière qui a fait faillite, une minière qui a fermé qui a fermé avant de déposer ses garanties financières qui permettraient de restaurer les sites. Parce qu'en plus de tout ça, on est pris avec un passif environnemental, on est pris avec des sites miniers abandonnés qui devront être restaurés aux frais des Québécois. Le Grand Nord est rempli de ça. Oui, c'est ça. Ça totalise, selon une estimation conservatrice, ça totalise à l'heure actuelle 1,2 milliard de dollars qui vont devoir être déboursés par les Québécois pour remettre ces sites en état. Et le gouvernement investit toujours dans des projets comme, par exemple, Royal Nickel, investit de l'argent public dans des projets qui font affaire avec des paradis fiscaux notoires et qui ont développé de leur propre aveu des systèmes pour payer moins d'impôts au Québec. Donc, nous, on trouve que la moindre des choses, ce serait que on ne finance pas avec de l'argent public des compagnies qui ont recours à l'évasion fiscale. ça nous apparaît vraiment, vraiment scandaleux. Et c'est quelque chose. C'est une des raisons pour lesquelles on demande une commission d'enquête sur l'industrie minière au Québec. Oui, il y avait le paradis qu'on connaît au 7e ciel, mais il y a le paradis sous terre. Ah ben oui, le paradis sous terre, il existe bel et bien. Et puis c'est ici au Québec, au Canada d'ailleurs. Alain Deneau se plaît à dire que dans le fond, le Québec ou le Canada sont des minéralo-États. Oui, c'est une bonne observation en effet. Écoute, Dominique, reste avec nous. Je voudrais qu'on parle de cette fameuse commission d'enquête qui te touche beaucoup et de Bombardier après cette pause en italien. Imagine-toi donc. Astrogel, whisper, jet, clipper, jet, turbo. A proposito, e si perde in Sofia. Oh, Sofia. Prese l'aereo Saint-Esprit. Saint-Esprit. Di duplessi, senza avvertir. Allora ripartì. Con Quebec Air, Transwell, Northern, Eastern, Western. E Pan American. Ma arrivai. Dove potei qui persino al sud e sud al sole bianco, rosso e blu tra palme di glu tra i poli e schimmesi abbronzati che lavorano a mali e cinture intrecciate, però invece Sofia era appena partita. Sì, partì con Quebec Air, Transwell, Northern, Eastern, Western e Pan American. Ma arrivai dove potei. C'era poi la compagnia che paga dei pigioni che volano qua e là e a gran velocità sembra quasi ballare. Era davvero, davvero, davvero quasi tutto nero. E allora ripartì con Quebec Air, Transwell, Northern, Eastern, Western e Pan American. Arrivai dove potei. La mia Sofia, la Sofia mia, prese la compagnia di tappeti volanti in Turchia che non partì. E io che bello, e io tornai in groppa un cammello. Va bene che Quebec Air, Transwell, Northern, Eastern, Western o Pan American. Mia Sofia era al letto, sì, col mio migliore amico ed in più tutti i buondì che erano ancora lì. Sul Quebec Air, Transwell, Northern, Eastern, Western e Pan American. Et peut-être avez-vous reconnu, je vous laisse deviner, hein? Je vous laisse deviner. Marco Cagliari, qui était le porte-parole de CKRL lors de la dernière campagne de financement. Merci, Marco. Vous avez reconnu Lindbergh, parce qu'on va parler de Bombardier avec Dominique Bernier. D'ailleurs, je rappelle le petit guide que tu nous parlais tout à l'heure, Dominique, le guide sur l'Anthropocène qu'on peut s'acheter au coût d'un dollar. Est-ce qu'on peut donner ton adresse courriel pour ceux qui... Vous aurez tous les détails sur le site d'Attaque Québec à québec.attaque.org. Il y a déjà en page d'accueil, il y a un bandeau sur lequel vous pouvez cliquer. Vous allez avoir toutes les informations sur la façon de commander ce guide. Donc, un outil de vulgarisation qui permet de mieux comprendre comment les ratés de notre système économique sont intimement liés au dérèglement climatique et ce qu'il faut faire pour y remédier. Oui, c'est possible. Pas besoin d'aller à Paris là pour faire notre part, n'est-ce pas? Effectivement. Mais c'est quoi ou juste la commission d'enquête en lien avec le financement? Oui, ben en fait, comme je disais tantôt, il y a un grand nombre de projets miniers là qui dans lesquels le Québec a investi, alors que ces projets-là ne sont pas viables d'un point de vue économique et qui sont critiqués depuis les tout débuts par nous, la coalition, et par d'autres analystes économiques, alors que pourtant le Québec n'investit pas dans des projets miniers qui sont vraiment solides et rentables, comme si on pense par exemple à la mine Eleanor, à la Baie James, une mine d'or très, très rentable, qui aussi correspond à des standards, sans être parfaite, là, qui répond aux meilleures pratiques là, d'un point de vue environnemental et d'un point de vue de social aussi. Donc, pourquoi le Québec n'investit pas dans ces projets-là qui sont solides et préfère se servir de l'argent public du bas de laine des Québécois comme capital de risque pour des projets qui ne tiennent pas la route? C'est ça notre questionnement, et on souhaite aussi mettre en lumière les liens entre l'industrie extractive et les paradis fiscaux. Et parlant de paradis fiscaux, ben en fait, on sait qu'aussi, il n'y a pas que ça ne touche pas que l'industrie extractive, cet investissement, ce capital de risque qui est offert sur un plateau d'argent par le gouvernement pour l'entreprise privée. On apprenait tout récemment que Bombardier, ce géant, cette multinationale de la production, Le mot m'échappe, là. Le CS Series. Le CS Series. Pardon? Les CS Series. Oui, c'est ça, en fait. Cette multinationale. En tout cas, moi, cette semaine, quand j'ai lu ça, je me suis dit, Joseph Armand Bombardier doit se revirer dans sa tombe, parce que je suis pas sûre que c'est ça qu'il avait en tête quand il a démarré cette compagnie-là avec ses inventions. Non, son invention, c'était pas le skidoo volant, non? Oui, c'est ça, une espèce de véhicule ancêtre du skidoo. Ben oui. Mais en fait, Bombardier, il faut savoir que c'est une compagnie qui a reçu son lot de subventions publiques au fil du temps, toujours en utilisant des techniques de chantage à l'emploi, en faisant miroiter au gouvernement qu'elle allait maintenir les emplois si le gouvernement finançait, et que si le gouvernement finançait pas, elle allait délocaliser sa production. Donc, le gouvernement a toujours répondu à l'appel, a toujours donné à Bombardier un peu ce qu'elle voulait. Et là, encore cette année, en plein contexte d'austérité, alors qu'il y a des coupes sans précédent dans les programmes sociaux, alors qu'on a coupé 1 milliard en éducation, 1,3 milliard en éducation, pour être précis, on annonce que on donne 1 milliard sur un plateau d'argent à une société en commandite liée à Bombardier, mais qui n'est pas Bombardier en tant que telle, pour financer le projet des C-Series, qui est un projet boiteux, qui est un projet en déficit, là. Bombardier se porte bien, mais ce projet-là est très, très loin d'être solide financièrement. Ça, c'est sans compter la présence des Chinois qui viennent eux-mêmes de lancer un avion qui compétitionnerait, selon certains experts, la CS Series. Et quand on a le gouvernement chinois comme compétiteur, le gouvernement brésilien et les gouvernements européens, surtout allemands et français, quand on pense au Airbus, quand on pense aux avions Embraer faits au Brésil. Donc, est-ce que le Canada peut jouer ce rôle-là aussi? La rumeur qui circule en plus, Dominique, que j'entendais sur les ondes d'une autre radio, c'est que Stéphane Dion, qui est rendu le ministre des Affaires étrangères, chef de la diplomatie, Eh bien, dans son comté de Saint-Laurent, le comté pas de Louis-Saint-Laurent à Québec-ci, mais Saint-Laurent à Montréal, Bombardier est très présent et beaucoup de ses concomitants, les gens qui votent pour M. Dion, sont des employés de Bombardier. Tout comme Mélanie Joly, qui est le comté adjacent, contigu, eh bien, beaucoup des ouvriers, les gens qu'on dit qui ont un bon salaire, pis c'est pour eux qu'on donne un milliard, là, ben ils sont dans le comté par hasard de Mélanie Joly et de Stéphane Dion. Fait qu'on, je pense que le milliard du fédéral est dans la poche en plus de celui du provincial. Là. Oui, sans aucun doute. Donc, c'est encore de l'argent public qui va être offert sur un plateau d'argent à une compagnie... qui a mal géré en fait au cours des dernières années là et aucune il y a eu aucune mise à pied là du côté de l'équipe dirigeante de Bombardier malgré le déficit incroyable que cette compagnie là a réussi à créer avec ce projet de C-Series. Donc c'est vraiment quelque chose de vraiment douteux et de d'odieux dans un contexte où on coupe en éducation un montant équivalent puis qu'il n'y a pas d'argent pour faire en sorte que les salaires des gens qui travaillent dans la fonction publique, les salaires des professeurs, les salaires des infirmières suivent l'augmentation du coût de la vie. Là. C'est un grand enjeu, mais oui. Oui. Puis on a le président du Conseil du Trésor qui s'amuse à parler de 0% d'augmentation, alors que cette semaine, hein, soyez assurés, chers parents, que jeudi, vendredi, amenez pas vos enfants à l'école. Là. Les 12 et 13 novembre, c'est en tout cas dans la région de Québec pour certains. Pour sûr, là, comme on dirait en français, ça sera en grève. Donc, le monde de l'éducation essaie de lancer des messages au gouvernement. Et comme Alain Deneau disait justement à sa conférence de mercredi dernier, le gouvernement que certaines radios, pour ne pas dire poubelles, critiquent sur les ondes de Québec, eh bien, ça peut inclure aussi ces grandes entreprises qui sont, le meilleur qu'on donne, c'est de l'aide sociale à des multinationales, finalement. Oui, c'est exactement ça. Surtout, il faut se rappeler que Bombardier a été pris dans le scandale des Lux Leaks. En fait, cette fuite qui a démontré que de nombreuses compagnies, de nombreuses multinationales se servaient de manœuvres fiscales au Luxembourg, qui est un paradis fiscal, pour échapper à l'impôt. Et c'est plus de 500 millions en fait par Bombardier qui aurait ainsi échappé à l'impôt du Canada et du Québec là. Donc c'est une compagnie qui est vraiment ciblée dans des manœuvres d'évasion fiscale et c'est une compagnie qui malgré cela, malgré que c'est un mauvais citoyen corporatif à cet égard-là, du moins à l'égard du paiement de sa juste part d'impôt, reçoit les largesses, bénéficie des largesses du gouvernement. C'est certain que les emplois chez Bombardier sont certainement de bons emplois bien rémunérés, mais par contre, combien d'autres industries fournissent des emplois bien rémunérés? On n'a qu'à penser aux PME, de nombreuses PME au Québec, ce sont eux qui créent le plus d'emplois très souvent. L'économie sociale crée beaucoup d'emplois, crée des emplois bien rémunérés aussi, donne de l'emploi à des gens qui parfois ont de la difficulté à se placer dans l'économie conventionnelle. Et ces secteurs-là sont coupés, ne bénéficient jamais des largesses dont une multinationale comme celle-là peut bénéficier. Ben Dominique Bernier, merci beaucoup. Est-ce que tu as lu le livre qui vient tout juste de sortir aux éditions Éco-Société, Creuser jusqu'où? Extractivisme et limites à la croissance, où il y a une quinzaine d'auteurs qui ont créé ce collectif en trois tomes, si on peut dire, co-dirigé par Yves-Marie Abraham et David Murray? Je ne l'ai pas lu encore, mais il est sur ma pile. Ça ne saurait tarder. Oui, parce que tu vas pouvoir vraiment, encore une fois, là, pouvoir nous renseigner à l'avenir sur tout ce qu'on trouve là-dedans. Vraiment, on a une interview avec David Murray qui, après la pause publicitaire, sera diffusée sur nos ondes. Et je demanderai à Yves-Marie Abraham de commenter son propre collègue. Et je pense que c'est une bible pour les gens qui s'intéressent à l'extractivisme et à ce scandale de savoir que le Canada est un paradis sous terre pour tous ces multinationales qui viennent ici ponctionner nos impôts pour faire plus d'argent et en faire plus à leurs shareholders Quel scandale! Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mettre un grain de sable là-dedans, Dominique? Oh mon Dieu, c'est pas facile, mais effectivement, il faut le faire connaître. Je pense que Alain Deneau fait un très bon travail à cet égard. Et le livre de David Murray et de Yves-Marie Abraham et leurs collègues aussi, ça contribue à vraiment faire connaître ce problème. On se fait flouer au Québec. On se fait voler nos ressources naturelles non renouvelables par des compagnies qui payent à peu près pas d'impôts. Est-ce qu'on doit être les porteurs d'eau d'une industrie extractive qui s'enrichit à nos dépens et seulement bénéficier de quelques emplois en compensation? Nous, on pense que si on a les ressources, l'industrie va être là, mais on peut réclamer une juste part pour les Québécois. Poser la question, c'est y répondre. Merci beaucoup, Dominique Bernier, de nous éclairer dans ce paradis sous terre. C'est moi qui te remercie, Jean. Au revoir. Restez avec nous, David Murray, Yves-Marie Abraham. Vous écoutez CKRL 89.1. Oser douter, une réflexion citoyenne. Bien, j'ai eu la chance de rencontrer David Murray dans cette rencontre organisée par des étudiants en anthropologie où il y avait aussi Alain Deneau. Alors, David Murray, vous êtes aussi éditeur aux éditions Éco-Société. Bienvenue au Grain de Sable. Bien, merci beaucoup de l'invitation. En fait, la raison pourquoi je veux vraiment qu'on passe du temps ensemble, c'est que vous êtes vraiment l'artisan... De cette œuvre « Creuser jusqu'où? Extractivisme et limites à la croissance ». Ce livre cherche avant tout à susciter une prise de conscience partout, l'heure et l'intensification de l'exploitation industrielle des ressources naturelles de nos territoires nationaux. Forêts, eaux douces, minerais, rivières, faune sauvage, gaz de schiste, pétrole, terres fertiles, paysages, grandioses ou pas, tout y passe, même le sable, on peut retrouver un chapitre consacré à l'extraction du sable. Alors, ouais, cessons d'avoir la tête dans le sable. Qu'est-ce que l'extractivisme? Bien, l'extractivisme, c'est un néologisme en tant que concept qu'on commence à conceptualiser, à le définir. La définition la plus courante et générique qu'on peut donner à ce terme-là, c'est celle qu'a avancé l'intellectuel uruguayen Eduardo Gudinas, qui présente ça essentiellement comme un modèle social, développement social économique, basé sur l'exploitation des ressources naturelles, répondant à trois critères. Donc, savoir que cette exploitation-là doit être menée de manière intensive, que 50% et plus des ressources qu'on extrait soient vouées à l'exportation, et de la manière la plus brute, primaire possible. Mais nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'aller d'un peu plus loin que cette définition-là, puisque si les ressources qu'on extrait du sous-sol sont envoyées sur les marchés internationaux, ben encore faut-il qu'elles aient une valeur. Donc, on peut difficilement concevoir l'extractivisme en dehors des logiques qui sont celles du régime capitaliste dans lequel on évolue en ce moment. C'est pour ça qu'on présenté, si vous voulez, une définition un peu plus large qui, finalement, consiste à voir l'extractivisme comme une façon de concevoir le monde, la nature, nous-mêmes en tant qu'êtres humains, comme autant de ressources qui sont mises au service de la valorisation de la valeur d'échange là, dans le cadre du régime capitaliste, comme autant de ressources mises au service de l'enrichissement matériel et de l'assouvissement d'une volonté de puissance et de maîtrise, là, qu'elle soit de nature économique, politique, industrielle, militaire, voire idéologique. Donc, vraiment, voir ça d'une perspective plus large. Là. Oui, d'ailleurs, pourquoi un tel ouvrage collectif? Il y a plus d'une quinzaine d'auteurs de partout sa planète qui donnent leur opinion en fonction d'une certaine structure. Oui, ben en fait, nous, on prétend pas avoir produit l'ouvrage définitif sur la question de l'extractivisme. Comme je disais, c'est quelque chose qui commence à se contextualiser. Puis vous l'avez bien dit, notre objectif premier, c'est de susciter une prise de conscience. Donc, on a, si vous voulez, suivi une espèce de démarche exploratoire, donc en trois temps, c'est-à-dire de savoir cerner un peu l'objet, qu'est-ce que cet extractivisme, mais quels sont ses effets. Ensuite, voir un peu quelles sont ses limites, auxquelles se bute ce modèle-là, à la fois limites physiques, mais aussi conceptuelles. Et finalement, dans un troisième temps, c'est de voir quelles pourraient être les voies de sortie de ce modèle-là. Et donc, dans une dynamique de réflexion collective, donc d'où l'idée d'approcher plusieurs auteurs pour avoir plusieurs points de vue, plusieurs ancrages différents, et chacune avec leur champ d'expertise d'une certaine façon. Est-ce qu'on pourrait pas vivre aussi bien, voire mieux, sans pratiquer ce type d'exploitation? Voulez-vous répondre à cette question? C'est sûr qu'en regard des effets extrêmement délétères d'un tel modèle, qui nous mène, bon, d'un côté à la désolation de notre monde en termes de pollution, de contamination, tout ça, et aussi en termes d'épuisement des ressources, hein, on bute vraiment à cette question-là. C'est pas pour rien que plus en plus d'auteurs qui mettent de l'avant le concept effondrement, hein, littéralement, de notre civilisation. Donc oui, je pense qu'on pourrait vivre beaucoup mieux en envisageant des voies de sortie et sans nécessairement renier sur un certain confort, hein, parce que c'est souvent ça qui fait peur dans l'idée de tourner le dos à notre monde. On a l'impression que on a atteint technologiquement un développement tel qu'on s'est libéré de notre condition de survivance qui aurait été celle de l'espèce humaine depuis Homo sapiens et de ce monde, alors que, je veux dire, nous, ce qu'on dit, on pourrait revenir à des niveaux de consommation, de développement qui ne sont pas si loin nécessairement. Là, si on prend l'exemple, la mesure d'empreinte écologique, par exemple, qui est souvent mise de l'avant pour montrer à quel point notre modèle est non durable, ben ça nous ramène quoi au lendemain peut-être de la Deuxième Guerre mondiale en termes de consommation globale des ressources, ce qui est quand même pas si loin et si catastrophique que ça. Et dans la perspective, si on distribuait mieux les richesses, je pense que tout le monde pourrait trouver son compte beaucoup plus facilement. Le pétrole des sables bitumineux, c'est un bel exemple d'extractivisme de ressources non fossiles, non renouvelables. J'imagine que votre définition de l'extractivisme, puis votre combat qu'on retrouve dans cet ouvrage collectif, et surtout en rapport avec les ressources naturelles non renouvelables. Oui, mais malgré tout, c'est finalement, ça va plus loin que ça. Quand je parlais d'un modèle social anthropologique qui est celui de l'extractivisme, c'est que ça participe du grand processus de marchandisation du monde. Donc oui, bien naturellement, toutes les ressources sont vues comme des objets à commodifier et à vendre sur le marché, mais aussi nous en tant qu'êtres humains, c'est aussi on n'a pas de chapitre exclusivement consacré à ces questions-là, mais on pourrait parler du tourisme qui est aussi une autre forme d'extractivisme où, je veux dire, il y a tout un imaginaire de notre façon de concevoir le monde, tout ça. Donc, oui, a priori, ça concerne les ressources, mais je pense qu'on peut le voir de manière beaucoup plus large que ça. J'entendais Alain Deneau au débat hier qui avait lieu au musée de la civilisation, que d'extraire de l'or pour des bijoux, des plombages, des lingots qui dorment dans les réserves de banque fédérale, c'est de la folie. On parle aussi du sable, qu'il y a même un film, le Sand Wars, qui nous questionne sur l'extraction du sable. On pourrait manquer de sable, c'est assez loufoque de penser ça. Il y a un chapitre dans ce livre qui se consacre au sable, une enquête sur une disparition possible. Oui, tout à fait. En fait, ça paraît effectivement un peu saugrenu de penser qu'on va manquer de sable. Je pense au désert du Sahara. Là. Ben, en fait, ce qui est fascinant, c'est un bon exemple, justement, les États du Golfe, par exemple, Dubaï, avec le fameux projet The World, l'espèce de les îles là, qui sont censées reproduire la carte du monde qui a été mis un peu sur la glace là, dans la foulée de la crise de 2008. Mais pour mener à bien ce projet-là, Dubaï importait du sable. Et on va dire, ils vivent dans un désert du sable, oui, mais le sable du désert n'est pas un sable qu'on peut utiliser dans le domaine de la construction. Puis, oui. C'est un sable, il importe du sable d'Australie, je pense. Donc, d'Australie, il y a des gens qui font fortune à extraire du sable australien. Oui, il y a tout, dans le film de Denis Lestrin, justement, dont vous faisiez référence... Il y a toute une présentation justement des mafias en fait qui ont mis la main sur ce marché-là en fait. Donc là, en ce moment on drague le fond des océans entre autres choses là, de manière incroyable. Ça c'est le monde de la construction, c'est pas juste le monde du transport. Non, c'est surtout c'est le béton en fait. Est-ce qu'on trouve des solutions dans cet ouvrage Creuser jusqu'où extractivisme et limite à la croissance aux éditions Éco-Société? Des ébauches, je dirais.